Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tant que tu n'as pas encore vu le 31 décembre, ma sœur, ne désespère pas parce que Dieu va te surprendre. Il est fidèle. Ne baisse pas les mains. Le miracle que tu attends, tu le verras s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi, mon frère. Réveille ton voisin. Toi qui es marié, réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière. Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 77. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Lisons le psaume 77. Au chef des chantres, d'après Jedutum, psaume d'Azaph. Ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu. Et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les filles de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. Je voudrais partager trois vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Au sein de la détresse, nous devons nous tourner vers Dieu. Oui, nous vivons souvent des détresses. Peut-être que c'est ton cas, toi qui me suis, tu vis des moments difficiles, des moments de détresse, des moments de solitude, des moments où tu vis même dans la dépression. Mais écoute-moi, tu dois te tourner vers Dieu. Nous voyons ici, il y a quatre choses que Azaph nous suggère lorsque nous vivons dans la détresse. La première chose, nous devons élever nos voix vers Dieu et crier à lui. Vous voyez, il est dit ici au verset 2, ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Quand tu t'approches de Dieu dans la détresse, tu dois avoir cette certitude qu'il t'écoute. Il écoute la prière. Deuxième chose que tu dois faire dans la détresse, tu dois étendre tes mains vers Dieu sans se lasser. Nous devons donc étendre nos mains vers Dieu sans se lasser. Quand on dit sans se lasser, il s'agit de la persévérance. Tu ne dois pas prier seulement pendant quelques heures, quelques jours, et puis quand tu ne vois pas les changements, tu dis « bon, moi je suis fatigué ». Il faut persévérer. Il est dit ici au verset 3, « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur la nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. » Ça nous rappelle l'histoire du combat entre Israël et Amalek dans Exode 17. La Bible nous dit que Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la montagne et Josué est parti sur les champs de bataille. Mais lorsque Moïse élevait ses mains, c'était Israël qui était le plus fort. Et que lorsqu'il baissait les mains, c'est l'ennemi Amalek qui devenait plus fort. Ils ont compris qu'il fallait non seulement soutenir les mains de Moïse, mais il fallait que les mains de Moïse restent levées jusqu'au coucher. C'est pour nous le symbole de la persévérance. Mon frère, si tu veux voir la manifestation de la puissance divine, il ne faut pas te lasser. Tu pries, ça fait longtemps, pour ton mariage. J'aimerais te dire, dans quelques mois, tu vas voir l'exaucement. Ne baisse pas les mains. N'écoute pas les gens qui te découragent. Il faut lever les mains sans te lasser. La troisième chose qu'il faille faire pendant la détresse, c'est de se souvenir de Dieu et de méditer. Nous devons nous souvenir de Dieu et méditer, réfléchir. Il est dit au verset 4, « Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Tu te souviens de Dieu. Tu médites sur ce qu'il a déjà fait. C'est important. Et puis la quatrième chose, c'est ce que nous ne devons pas faire. Ne nous laissons pas troubler et envahir par l'abattement, par le découragement. Oui, parce que nous sommes souvent victimes de troubles, d'abattement. Je parle à quelqu'un, à une dame. Depuis que tu as appris que ton mari te trompe, tu as fait des dépressions. Tu vois, tu as des problèmes de tension. J'aimerais te dire, prends courage. Ton mari sera délivré. C'est par toi que la délivrance viendra. Il faut que tu fléchisses les genoux. Il faut que tu apprennes à jeûner pour lui. Tu vas l'arracher et tu vas témoigner. Tu vas voir la grandeur de Dieu, la puissance divine. Nous voyons ici, Asaph a commencé à glisser vers l'abattement, vers le découragement, à se poser autant de questions. Il commence à se poser des questions. Verset 8, « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? » Au verset 11 dit, « J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Quand quelqu'un commence à s'exprimer ainsi, ça veut dire qu'il commence à être gagné par le désespoir. Ne te laisse pas gagner par le désespoir, mon frère. Ne te laisse pas gagner par le désespoir, ma sœur. Dieu, il est au contrôle. Il agira en ta faveur. Deuxième vérité, publions les œuvres de Dieu. Publions les merveilles de Dieu. Apprenons à publier ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui aiment toujours publier les choses négatives. Ça ne va pas. Dès que tu as quelqu'un qui est mort, tu publies ça très haut. Voilà, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ceci. Tu publies, j'ai connu l'accident. Vraiment, il y a ma fille qui a promis des problèmes aux études, et ainsi de suite. Mais lorsque Dieu fait des grandes choses, apprends à les publier. Apprends même à témoigner. Je vais parler à une dame. Ce que tu as vu dans ta vie, au prochain OSB, il faut que tu sois parmi ceux qui vont témoigner. Parce que ton témoignage va démontrer la puissance divine, va démontrer la fidélité de Dieu. Vous voyez, il y a quatre jeux ici qui nous montrent notre devoir. Quatre fois, le psalmiste dit « je ». Premier jeu, « je rappellerai les œuvres de l'Éternel ». Vous voyez, il dit ici au verset 12, « je rappellerai les œuvres de l'Éternel ». Deuxième jeu, « je me souviens de tes merveilles d'autrefois ». Tu te souviens des merveilles. Souvent, nous oublions comment Dieu nous a délivrés. Mon frère, Dieu t'a délivré. Tu étais hospitalisé. Tu as vu la mort, tu as senti la mort, mais tu as vu la puissance divine. Tu dois te rappeler de cela. Tu dois proclamer cela. Tu dois te rappeler des merveilles de Dieu dans ta vie. Troisième jeu, il dit, je parlerai de toutes tes œuvres. Au verset 13, je parlerai de toutes tes œuvres. Et enfin, le quatrième jeu, je raconterai tes hauts faits. Donc, tous ces quatre jeux nous montrent que nous devons apprendre à témoigner et à publier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Au lieu de rester toujours dans l'abattement, au lieu de rester toujours dans la dépression, passons de la dépression à la louange pour publier les hauts faits de Dieu. Troisième vérité, nous avons sept éléments qui nous montrent ce que Dieu est et ce qu'il fait. Oui, voici les sept éléments. Il est saint. Au verset 14 dit, « Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quand on dit ses voix sont saintes, c'est-à-dire lui-même est saint. Il est aussi grand. Quel Dieu est grand comme toi? Regarde la grandeur de Dieu. C'est pourquoi quand tu loues Dieu, il faut te concentrer sur sa grandeur. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Quand tu regardes la grandeur de Dieu, ton problème devient petit. Troisième élément, il fait des prodiges. C'est un Dieu de miracles. Lorsque, par exemple, on te dit que tu ne peux pas entrer pour travailler dans telle entreprise parce que tu n'es pas connu par quelqu'un, il faut être pistonné par un ministre, il faut être pistonné par un chef d'institution. Mais j'aimerais dire à un jeune, lorsque tu connais Jésus, il va opérer un miracle et tu vas entrer dans ce lieu-là. C'est ce Dieu qui de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. C'est ce Dieu qui pouvait prendre un esclave comme Joseph pour en faire un premier ministre en Égypte. Il faut croire que le miracle est encore possible. Quatrième chose, il est puissant. C'est pourquoi l'un de ses noms hébraïques, c'est El Shaddai, le Dieu tout puissant. Il est dit au verset 15, « Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Cinquièmement, il délivre son peuple. Il est le Dieu de délivrance. Si tu es combattu, tu es bloqué, tu peux t'attendre à sa délivrance. Sixièmement, il fraye un chemin dans le désert. Quand on dit qu'il fraye un chemin dans le désert, ça veut dire que là où tout est fermé, tu ne vois même pas d'issue. C'est là où Dieu peut frayer un chemin, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Ils étaient en face de la mer rouge. Dieu a dit à Moïse, étends ta verge. Lorsqu'il a étendu sa verge, les eaux de la mer se sont fendues en deux. Là où tu as des blocages, là où il y a des barrières devant toi, si ce Dieu-là marche en ta faveur, il va frayer les eaux et tu auras un passage. Et enfin, septième élément, il conduit son peuple comme un troupeau. Oui. Il est le Dieu qui conduit. C'est pourquoi tu dois te laisser conduire par lui. Il va te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons chanter ce cantique. Et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans les secrets. Gloire au Seigneur, il mérite la louange. Élève ta voix, mon frère. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, Révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Bientôt, nous allons nous retrouver tous les samedis 28 décembre 2019 à la mission Ephrata, sur la route de Bengeville, dans cette grande rencontre spéciale OSP d'Action des Grâces. Je vais demander à tous ceux qui prient d'être là. Ces jours-là, nous viendrons dire merci à Dieu avec une offrande spéciale d'Action des Grâces pour manifester sa gloire et pour témoigner de ses bienfaits. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 77. Voici quelques intentions de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la détresse, afin qu'ils élèvent leur voix vers Dieu, en ayant cette assurance que Dieu écoute la prière, qu'ils persévèrent, qu'ils ne baissent pas les mains. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme magnifie ton saint nom pour toutes tes grandes œuvres. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous nous tournons vers toi ce matin et nous nous prosternons en signe de reconnaissance pour ta bonté, pour ta magnificence, pour ta grandeur et pour ta magnanimité. Ce matin, nous prions pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui sont dans la détresse en ce moment, qui souffrent en ce moment, qui ont l'esprit abattu. Nous demandons au Père éternel que tu interviennes dans leur vie et que tu les relèves. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous disons merci Père éternel pour tous tes hauts faits, pour toutes tes grandes réalisations. Écoute les cris de mon frère, écoute les cris de ma sœur, écoute les lamentations de ma sœur et viens à son secours. Tu as dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, j'ai écouté vos cris, je suis descendu et je viens à votre secours. Interviens dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui a l'esprit abattu. Donne-lui la force afin qu'il puisse persévérer. Donne-lui la force afin qu'il ne baisse pas les bras. Donne-lui la force afin qu'il n'abandonne pas. Que sa confiance en toi soit une confiance qui renouvelle ses forces. Que ton nom soit élevé, parce que nous avons la victoire sur les puissances de l'ennemi. Nous te disons merci ce matin parce que nous avons l'assurance que nous avons la victoire sur l'esprit de découragement, sur l'esprit d'abattement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de publier ces merveilles, de conjuguer les quatre G ici. Que nous avons vu. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Je me souviens des merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Que cela soit une évidence, une réalité dans la vie de chacun de nous. Prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Gloire à toi, honneur à toi, élévation à toi, majesté à toi. Tu nous as sauvés pour faire ton œuvre. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Notre rôle, c'est d'annoncer tes merveilles, de parler de toi. Gloire à toi, parce que c'est pour cela que tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as affranchis, tu nous as mis au large. Pour raconter tes bienfaits, pour dire au monde que tu es celui-là qui nous aime d'un amour éternel. Tu as envoyé Jésus mourir sur la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous permettre, Dieu Tout-Puissant, de parler de toi. Notre rôle, c'est de parler de toi. Notre rôle, c'est de rencontrer à tous ceux qui veulent nous attendre, que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu, oh notre Rédempteur, celui-là qui nous aime. Oh Seigneur, vers qui pouvons-nous aller? C'est vers toi qui va nous donner la force, qui va nous donner le courage, qui va nous donner la persévérance, qui va nous donner l'endurance pour parler de toi. Aide-nous à vraiment parler de toi, Seigneur, parce que tu nous donnes au-delà de ce que nous espérons. Merci ce matin, parce que tu veux trouver ces hommes dans toute famille. Tu veux trouver ces femmes dans tout pays, dans toute famille, pour parler de toi et toujours parler de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir ce que Dieu fait. Il fait autant de choses que nous pouvons tous les énumérer. Mais nous allons nous concentrer sur sa puissance et sur le fait qu'il opère des prodiges et il ferait un chemin. Peut-être que tu es devant un problème où tu n'as pas d'issue. Tu vas dire, Seigneur, manifeste ta puissance. Je veux vivre un miracle. Je veux que tu frayes un chemin devant moi, afin que je trouve un passage, comme tu as frayé les eaux de la mer Rouge. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, j'invoque ton nom parce que tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu grand, Tu es un Dieu qui dit et la chose qui n'existe pas vient à l'existence. Même dans le désert, tu frayes un chemin. Même au milieu de la mer, tu frayes un chemin. Même au milieu des tempêtes, tu frayes un chemin. Même au milieu des vagues, tu frayes un chemin. Partout, tu es capable de frayer un chemin. Dans ces défis de mes frères, dans ces difficultés, sans issue pour l'homme, tu peux frayer encore un chemin parce que tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que devant ce cas impossible, tu es le Dieu qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et tu es encore capable de frayer un chemin. Quel que soit, Seigneur, ces problèmes, ces difficultés, ces moqueries de ce frère, Seigneur, ces hontes, ces disgrâces de cette sœur, tu es capable de frayer un chemin pour accorder un témoignage étonnant, pour accorder des guérisons étonnantes, pour accorder des délivrances étonnantes. Tu es le Dieu de miracles, de signes, de merveilles et de prodiges. Merci parce que tu es capable, au nom de Jésus-Christ, de donner de la joie, de la vie. Tu es capable, merci de le faire, afin que ton nom puisse être glorifié et qu'on te célèbre encore comme le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.